Merci. Alors je vais d'abord vous donner quelques éléments, mais qui vont être très, très liés à la problématique de ce groupe de travail. Cet espace de travail, quelques éléments d'abord de présentation un petit peu de mon travail et de la perspective dans laquelle je travaille, et puis ensuite on reviendra, c'était la demande ou la proposition que m'a fait Martine Boudet, de revenir sur l'un des rapports, en tout cas la dynamique relative au rapport sur la dite refondation de la politique d'intégration, voilà, qui a fait une polémique à la fin de l'année 2013, et puis revenir donc une fois sur ces conditions de production de ce travail et sur un certain nombre des enjeux du coup qu'à mon avis cela soulève. Alors peut-être quelques éléments effectivement par rapport à mon travail. Je travaille moi donc à l'ISCRA, qui est un institut de recherche indépendant, c'est-à-dire que c'est un projet qui est né de la rencontre entre un souci d'une part de production de connaissances et d'autre part de transformation sociale, et qui vise à essayer d'articuler les deux, à hybrider ces deux logiques-là. Je travaille pour ma part dans une perspective de ce que le sociologue américain Michael Buravoy appelle la sociologie publique, c'est-à-dire une sociologie qui a le souci de contribuer à la constitution de publics ou ce qu'il appelle des contre-publics, donc des publics critiques à l'intérieur de l'espace public ou à l'intérieur, en l'occurrence, des politiques publiques. Donc une stratégie de recherche qui a pour ambition d'articuler des logiques d'entreprise scientifique et des logiques d'entreprise politique. Alors, toute une série de traductions, si vous voulez, dans mon travail, l'une dont on échanger un petit peu en off précédemment avec Martine Boudet, qui est, pour ma part, que je travaille sur des questions, beaucoup les questions de discrimination et de rapport ethnique à l'école, question qui est assez peu reconnue, assez peu légitime, aussi bien dans le champ académique. J'ai été amené à écrire un certain nombre de choses sur ça, on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, mais qui était aussi assez peu légitime et assez peu audible dans le champ politique, voilà, si ce n'est des détournements un peu de l'idée de discrimination, hein, pour finalement prolonger en fait des formes d'action publique qui sont déjà très, très banales dans l'éducation nationale. Donc cette logique d'articulation entre entreprises scientifiques et entreprises politiques, elle se traduit sur ces questions de discrimination par deux initiatives dans les années précédentes. D'une part, la constitution d'un réseau national de lutte contre les discriminations à l'école, prend appui aujourd'hui sur l'Institut français de l'éducation, donc une des institutions du ministère de l'Éducation nationale, et qui regroupe un certain nombre de professionnels qui développent une expertise critique sur la manière dont l'institution scolaire traite ses élèves. Voilà, hein, de façon générale, discrimination et inégalité de traitement. Et qui essaye de promouvoir donc à l'intérieur même ou de l'intérieur même de l'institution scolaire, dans un contexte où le ministère, ou par en haut, si on peut le dire comme ça, le ministère de l'Éducation nationale a du mal à reconnaître cette question-là, essaye d'institutionnaliser par en bas une forme et de résistance professionnelle ou pédagogique, si vous voulez, et l'émergence d'un discours critique, hein, sociologique critique, de l'intérieur de l'institution scolaire. Parallèlement à ce réseau national, donc, qui concerne principalement des professionnels, mais qui agrège de plus en plus de collègues chercheurs intéressés à ces questions. Nous avons également mis en place, avec quelques collègues français, québécois, suisses et belges, un réseau international éducation et diversité, qui pour le coup est un réseau de recherche, orienté vers les problématiques de recherche, et qui là aussi, en tout cas du point de vue français, c'est assez différent pour les collègues d'autres pays, mais du point de vue français, a notamment pour but d'ouvrir un espace de légitimité académique sur tous les travaux qui concernent les questions de discrimination, les questions que certains appelleront d'inclusion, d'autres de diversité, voilà, y compris du travail sur les mots et les paradigmes qui sont mobilisés. Voilà, c'est une des traductions, si vous voulez, un petit peu générale de cette stratégie de sociologie publique. Elle se traduit de façon plus générale, pour ma part, par des travaux qui sont des logiques de recherche menées de façon coopérative avec des groupes professionnels, hein, au sein de l'institution scolaire, par exemple. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail sur ce plan-là, mais voilà un petit peu la perspective que je travaille. Alors du coup, ça va avoir aussi un lien tout à fait majeur avec un petit peu ma lecture à la fois de la situation, et puis j'y reviendrai sur les choix un petit peu tactiques ou stratégiques que nous avons fait autour de la commande du gouvernement en 2013. Alors peut-être un élément un petit peu général avant de venir à mon exemple qui est les rapports sur l'intégration. Poser cet élément-là que, de mon point de vue, la mobilisation des savoirs par les pouvoirs publics, on le sait, elle se fait en général par rapport à des objets qui sont prédéfinis, des questions qui sont déjà formulées, déjà posées, et donc dans des cadres qui sont déjà normés. Et que il me semble qu'un des axes clés qui est derrière l'interrogation de se dire que doit faire ou que font les chercheurs de cette commande publique, c'est bien de penser un petit peu à la même manière, si vous voulez, que la question s'est posée pour l'évaluation des politiques publiques. C'est le fait de réinterroger en même temps les objets et les cadres de référentiel d'action publique desquels ils sont issus, des formulations. Et si on est dans une perspective démocratique, c'est-à-dire de réinterroger cela en même temps avec les publics, dans la stratégie de sociologie publique, avec des publics ou avec des publics potentiels à constituer, qui ont, eux, une expertise du fonctionnement réel des institutions, qui ont une expérience, qui ont du vécu, qui ont un point de vue, dont il s'agit de permettre de rendre possible son élaboration, sa prise d'initiative dans l'espace public, etc. C'est un petit peu la dynamique de la sociologie publique. Alors, c'est d'une certaine façon ce qu'on a essayé de faire également dans le cadre de la commande publique qui nous a été faite. Il va falloir que je donne quelques éléments liés au cadre de cette commande publique, d'autant que la polémique qui a eu lieu à la fin de l'année a totalement effacé les conditions de production de ce travail pour ne retenir qu'une mise en scène assez grotesque, une manipulation assez grotesque de quelques éléments sortis de leur contexte, et notamment, c'est-à-dire de quelques préconisations, alors que la plupart des rapports, et en tout cas c'est particulièrement le cas pour celui que j'ai co-dirigé, est principalement centré sur une analyse des problèmes, bien avant la question des propositions. Et d'une certaine façon, les propositions découlent évidemment de l'analyse des problèmes. Et là, on y reviendra peut-être dans la discussion, ça a bien entendu à voir avec l'interrogation de notre séminaire de travail, c'est quel usage instrumental dans la polémique il a été fait d'un travail qui est pour le coup beaucoup plus centré et connecté à l'état des connaissances scientifiques que nous avons. On y reviendra. En tout cas, il est assez clair que la polémique qui a été construite par les médias et par un certain nombre d'organisations politiques ou de réseaux politiques on pourrait le dire comme ça, a montré notamment l'écart qu'il peut y avoir, et un écart très important et très dur, politiquement parlant, un écart de point de vue entre l'état des travaux scientifiques, ce que nous savons d'un certain nombre de questions, et ce qui est audible ou admissible dans l'état actuel, dans la représentation politique. Et cet écart, à mon avis, c'est un des éléments tout à fait majeurs de cette polémique, il est moins lié à l'expérience qu'ont les personnes des institutions, si je prends l'institution scolaire, l'expérience qu'en ont aussi bien les enseignants, les chefs d'établissement, les élèves ou les parents, même s'ils ont des points de vue divergents, potentiellement, qu'à un écart entre une représentation générale, et notamment nationale, des institutions, et notamment de l'institution scolaire, par rapport y compris à l'expérience qu'en ont les personnes. Il me semble qu'il y a un clivage tout à fait important, et c'est ça un petit peu que j'entends aussi dans la proposition de ce séminaire, c'est-à-dire qu'là, il y a des billets liés à ce qui a été appelé passif républicain, en tout cas, qu'on peut tout à fait raccrocher à ça, c'est-à-dire une dynamique de une tentative de maintien d'une hégémonique, d'une représentation des enjeux, qui est quand même de plus en plus en écart, autant avec ce que nous en savons scientifiquement qu'avec beaucoup d'expériences qu'ont les personnes. Donc, conséquence étant que cette polémique a montrer cet écart et d'une certaine façon durcit aussi cet écart. Alors peut-être quelques éléments effectivement sur ce rapport et sur son contexte de production. Alors, le cadre d'abord, si je fais très très succinctement la généalogie de cette commande publique, le gouvernement avait confié à Thierry Thuot, conseiller d'État, la rédaction d'un rapport sur les politiques d'intégration qu'il a rendu et qui a été rendu public en février 2013. Ce rapport avait déjà eu un certain nombre d'échos, alors pour le coup relativement variables ou divergents, mais beaucoup soulignaient notamment la force de son texte, caractère provocateur selon certains, etc. Et probablement que ça a participé un peu à l'embarras du gouvernement, de savoir comment, quoi faire, que faire de ce texte particulier. Suite à ça, alors j'ai oublié un élément dans la généalogie, c'est que cette question de l'intégration avait fait partie des engagements du Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors de sa déclaration de politique gouvernementale. Ça faisait moins partie du programme présidentiel, en tout cas à ma connaissance, mais qu'en tout cas que c'était porté par le Premier ministre de l'époque. Suite au rapport Thuot, le gouvernement a cherché à mettre en place une dynamique de travail collective, à la fois collective au niveau interministériel, c'est-à-dire comment mobiliser les différents ministères concernés, et à la fois collective du point de vue de la production d'un certain nombre de propositions, de préconisations. Ce qui a amené à mettre en place 5 groupes de travail, qui étaient chaque fois copilotés par 2 ministères différents. Et moi, j'ai été, pour ma part, sollicité sur la direction ou la co-direction l'un de ces 5 groupes de travail, celui qui était consacré à la fois au ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Réussite éducative, et ministère du Travail et de l'Emploi. L'argument, si vous voulez, un peu classique, étant la réflexion de l'école à l'emploi, voilà, pour le dire comme ça, ce qui les a amenés, au niveau des cabinets ministériels, à proposer l'intitulé du groupe Mobilité sociale. Voilà. Bon, c'est plus un intitulé de circonstance, lié à la stratégie d'articulation des questions scolaires, donc éducation, formation, insertion, travail et emploi. Ce qui veut dire aussi que dans le travail du groupe, on n'a d'emblée pas considéré que mobilité sociale était un concept dur, si vous voulez, à partir du qu'il fallait soutenir, étayer en tant que tel, mais plutôt un titre un peu d'opportunité, et que nous avions toute liberté derrière à problématiser à notre manière les enjeux. Alors, ces 5 groupes de travail ont été sollicités donc à partir de avant l'été 2013 ou au début de l'été 2013, et pour ce qui concerne le groupe donc que j'ai co-animé avec Rali Damdani, nous avons travaillé du mois de septembre ou fin août, enfin concrètement, collectivement, j'ai envie de dire, du mois de septembre au début du mois de novembre, donc sur un délai très court, 5 réunions de travail. Qui ont été extrêmement denses, avec une 50aine de personnes à peu près participant à ce processus de travail, et un groupe relativement hétérogène du point de vue des représentations institutionnelles. On avait à la fois des cadres de l'administration publique, des partenaires sociaux, syndicats, patronats, toute une série d'acteurs du champ de l'emploi, soit associatif, soit institutionnel, du champ de l'emploi, du travail, du champ de l'école ou de la formation professionnelle, des jeunes ou des représentants, pas tenter des jeunes, des publics jeunes, mais également des parents d'élèves, et également des acteurs de la recherche, chercheurs ou l'un ou l'autre experts. Gens qui ont travaillé dans les politiques publiques de longue date, ce qui était le cas par exemple de mon collègue co-animateur de ce groupe de travail. Nous avons fait le choix, et ça me paraît important dans la stratégie d'action, d'intervention, nous avons fait le choix d'animer le groupe de travail d'une façon qui est assez, assez peu classique, si je peux le dire comme ça, par rapport à les commandes publiques de rapport en général. Très souvent, les commandes de rapport public conduisent un groupe à faire toute une succession d'auditions, donc à enregistrer le point de vue d'un certain nombre de personnes, ce qui veut dire au final que tous les participants à ce groupe de travail sont principalement dans une logique de la représentation. Ils sont là, ils font acte de présence, et très souvent, le rapport est rédigé principalement par les animateurs du groupe de travail. Nous avons fait un choix quasiment inverse, c'est-à-dire de dire nous allons faire très peu d'auditions. Nous considérons que nous avons déjà dans le groupe une pluralité de points de vue hétérogène. Nous avons toute raison de ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais que nous avons aussi beaucoup de compétences, beaucoup de savoir et d'expérience que nous pouvons mobiliser dans ce groupe de travail-là. Et le souci étant d'abord d'essayer de se mettre d'accord. De se mettre d'accord sur le problème, et donc sur une problématisation des questions et des multiples questions finalement qui étaient adressées à ce groupe de travail. Ce qui veut dire que dans 4 séances de travail sur les 5, nous n'avons pas du tout discuté des propositions. Nous avons travaillé, discuté des problèmes. Quel est le problème? Comment le comprendre? Comment l'analyser? Avec quelle perspective politique qui permet de dégager quel type de principe politique pour refonder une politique publique? Nous avons donc mis en orbite, en tout cas dans un premier temps, la question des propositions et des préconisations pour cette raison-là, c'est-à-dire à partir d'un principe qui était d'emblée posé par les animateurs de ce groupe de travail, qui était de dire il n'y a pas de politique publique sans problème public. Le premier enjeu est donc d'identifier quel est le problème public sous l'étiquette intégration. Ce qui nous autorisait en même temps, et c'était en même temps la commande du gouvernement qui nous incitait, je le cite, à renouveler en profondeur l'approche des questions d'intégration en France. Donc le gros de notre travail était d'abord de reformuler un certain nombre de questions, d'essayer de voir sous le terme d'intégration qu'est-ce qui travaillait, qu'est-ce que ce terme incorporait historiquement, mais aussi qu'est-ce qu'il cachait comme problématique. Et en quelle mesure ce qu'il cachait n'était pas finalement le plus gros problème de l'époque. En tout cas, c'est un petit peu la thèse qu'a été celle du groupe de travail, c'est-à-dire combien ce mot, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, nous empêche finalement plus de penser les problèmes et les questions, et donc de penser les manières de nous engager à travailler sur ces questions, qu'il n'apporte au fond de réponse au jour d'aujourd'hui à ces problèmes-là. L'autre élément qui me paraît tout à fait important du point de vue aussi de la stratégie de la recherche, ou de ce qu'a à dire la recherche, dans le choix de concentrer notre attention sur la problématisation, c'est bien évidemment de mettre en œuvre dans cet espace-là un peu une méthodologie de recherche, c'est-à-dire où la construction des questions est finalement plus importante, où d'elle va découler tout le reste. Hein. Donc ça me paraît être le deuxième élément qui était derrière, et que pour ma part je portais de façon forte, c'est-à-dire comment l'outillage des sciences sociales nous permet aussi de penser des méthodologies de travail. Y compris dans l'élaboration d'un rapport public comme celui-ci, y compris dans la mise au travail, si je peux le dire comme ça, d'un collectif d'une cinquantaine de personnes. Petite parenthèse, si vous voulez, ça fait écho à une partie de mes propres travaux, qui, outre les questions de discrimination, je travaille également sur les questions de coopération dans l'action publique. Donc ces dynamiques voilà, de construction du commun, à partir de l'hétérogénéité, fait partie également aussi de mes préoccupations théoriques, et du coup aussi de mon expérience d'intervention sociale ou sociologique. Le troisième argument, si vous voulez, par rapport au fait d'accorder toute l'importance à la problématisation plus qu'aux propositions, c'est que si on revient sur l'histoire des politiques publiques dites d'intégration, mais ça vaut pour beaucoup d'autres politiques publiques probablement, on a plutôt un fétichisme des outils et des dispositifs au détriment d'une réflexion sur les problèmes et la façon dont ils se configurent. Donc il s'agissait déjà dans la méthode de travail de renverser ce qui allait être, après, un des éléments de notre analyse, c'est-à-dire l'espèce de captation ou de technicisation, de captation par des logiques techniques et d'outillage, de questions qui sont des questions absolument politiques, fondamentalement politiques. Il s'agissait de le mettre en œuvre, ce qui était aussi une manière d'envoyer un signal aux gens qui étaient autour de la table, et ce signal a été très explicite hein, dans l'ouverture de notre travail, c'est de dire les préconisations que fera ce rapport ne correspondront en aucun cas au fait de prendre une option ou de vendre tel ou tel outil ou tel dispositif. Autour de la table, on avait beaucoup de gens qui essayaient de proposer son dispositif label de la diversité, sa charte de la diversité, son dispositif ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, etc. Hein. Chacun y allait finalement, on essayait de placer son dispositif, et nous avons dit, pour nous, la question n'est pas celle des dispositifs. Et ce que nous avons essayé de faire, si vous voulez, jusque dans les préconisations, pour vous donner un exemple, il y avait un relatif accord, consensus du groupe de travail, ou en tout cas de beaucoup de gens dans le groupe de travail, pour dire que le label diversité avait des effets relativement positifs, enfin, un certain nombre d'effets relativement positifs, et qu'en cela, c'était une expérience dont il fallait s'inspirer. Notre choix a été, dans les préconisations, de ne pas du tout proposer d'étendre le label diversité, mais par contre d'avoir le souci de travailler avec le groupe. Qu'est-ce qui, dans ce label, fonctionne? Qu'est-ce qui, dans les analyses collectives, qu'est-ce qui est présent dans ce dispositif et qui gagnerait à être diffusé? Et à partir de là, nous avons fait des préconisations qui sont plutôt des leviers stratégiques sur une diffusion générale d'un certain nombre de normes ou de principes ou de manières de faire, plutôt que de vendre un dispositif en tant que tel. Voilà, pour illustrer, si vous voulez, hein, cet enjeu-là. Que le travail qui nous a été demandé était un travail bénévole. Et d'une certaine partie, c'était la contrepartie aussi de ce travail bénévole, c'est que nous avions une liberté très grande. Une liberté dans la manière de conduire notre travail, dans la manière de formuler les questions, d'écrire nos rapports. Et je pense que ce que nous avons écrit en témoigne de la liberté que nous avons prise de cela. Et la contrepartie étant, bien évidemment, et tout cela était explicite dès le départ, que le gouvernement ferait de son côté ses propres choix à partir des rapports qui lui étaient remis. Donc voilà, ces rapports publics n'étaient pas prédéfinis pour être communicables publiquement. Ils étaient un outil de travail dans une stratégie gouvernementale qui visait après à reformuler un certain nombre de choses et à retenir ou à sélectionner un certain nombre de choses. Évidemment, c'est ce que la polémique a effacé, hein, cette manière d'articuler ou de penser finalement le lien entre une contribution, y compris de chercheurs, à la production des politiques publiques et sa réutilisation, son réemploi dans le champ politique. Je trouve que c'est, si je peux me permettre cette remarque au passage, je trouve que c'est relativement dommageable parce que il me semble que c'est un dispositif qui est assez peu fréquent dans les politiques publiques, d'avoir des espaces d'une réelle liberté de travail pour formuler un certain nombre de problèmes, et après la liberté du gouvernement de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir, ou tout ou partie. Voilà. Et il me semblait, mais c'est bien dommage que le gouvernement n'ait pas assumé sa commande et ce cadre de travail-là, il me semblait là qu'on avait une expérimentation d'un cadre particulier de production des politiques publiques qui était relativement innovant et qui du coup modifiait le rapport qu'il y a entre la recherche, la contribution de la recherche par exemple, et la production des politiques publiques. Notre stratégie a été de prendre je vais dire peut-être deux, trois mots, et puis je m'arrêterai là, pour en discuter, enfin vous me direz un petit peu, si vous souhaitez aussi qu'on revienne sur des éléments peut-être plus précis, deux, trois mots peut-être de la thèse, ou de ce que le rapport finalement a défendu, et qui m'amène à dire finalement, à me retrouver dans cet intitulé initial de mon propos, qui est autour de la perspective en matière d'égalité et antidiscrimination. Nous avons donc pris effectivement au mot le gouvernement dans son souhait de renouveler en profondeur l'approche des questions d'intégration. Nous avons d'abord questionné le terme d'intégration et je le disais tout à l'heure, très vite admis collectivement que ce mot cachait plus de choses qu'il ne donnait à voir et que ce qu'il cachait constituait probablement aujourd'hui les clés ou les problèmes majeurs qu'il nous fallait résoudre dans l'époque. Voilà. Ce qui a amené une des premières préconisations relativement convergente avec les autres groupes de travail, hein, à dire le mot d'intégration pose aujourd'hui suffisamment ou trop de problèmes au point de représenter une mauvaise base pour refonder une politique publique. C'était un très mauvais signal que de refonder quelque chose à partir de ce mot-là. Bon, ça n'a pas empêché le gouvernement. Pour le coup, la première et principale préconisation de la passer à la poubelle et de maintenir la question de l'intégration républicaine, ce qui montre la dureté de ce passif républicain. Alors, ce que nous avons posé, c'est nous dire, nous avons eu le souci de faire un travail, d'une part, un minimum de cadrage de philosophie politique, d'autre part, un travail de généalogie ou de retour sur l'histoire, se dire voilà pourquoi, où est-ce que nous en sommes et comment les choses se sont construites, y compris comment le terme d'intégration est arrivé, hein, sur l'agenda politique, d'où il arrive, avec quel type de problématisation, de faire l'état des recherches, ce que nous savons des processus qui bloquent, c'est-à-dire du rapport de la société française à l'immigration, du rapport réciproque des immigrés ou descendants d'immigrés à la société française, et des mécanismes qui bloquent l'identification collective, et notamment les processus de discrimination et de ségrégation. De faire également une analyse un peu évaluative de ce que nous avons appris de la politique publique menée depuis la fin des années 90. Vous savez que depuis 1998, le gouvernement français a reconnu officiellement l'existence d'une discrimination raciale en France, et qu'ont été initiées un certain nombre d'expériences, de dispositifs, d'outils ou de choses. Donc nous sommes revenus un peu de manière rapidement évaluative sur ces questions-là pour dégager à partir de là un certain nombre de préconisations en termes de principes généraux pour fonder une politique publique, de principes plus spécifiques dans le domaine scolaire ou dans la politique de l'emploi, et à partir de là, d'identifier ce que nous avons appelé des grands leviers d'action, ou des grands leviers stratégiques d'action, c'est-à-dire non pas une liste d'actions à réaliser, mais plutôt un certain nombre de grands mécanismes, je pourrais dire, régulateurs, en disant, voilà, le problème tel qu'il se configure amène à jouer dans telle et telle dimension, et quels seraient du coup les grands leviers d'action stratégique qui nous permettraient d'avoir, pensons-nous, un certain nombre d'effets importants à terme dans la transformation des possibilités d'action des uns et des autres. Hein. Nous sommes concentrés beaucoup sur cette transformation des conditions de l'action, hein, plus que sur lister telle action précise, etc. Alors, simplement dans notre argumentaire, c'est de dire, il nous semble que si le terme d'intégration pose problème au point d'être un élément de blocage qui empêche un certain nombre de nouvelles perspectives sociopolitiques, c'est parce que ce terme est un héritage compliqué, ou porte un héritage compliqué, à la fois pour une partie un héritage colonial, reformulé à l'époque des immigrations ou post-immigration, à la fois un enjeu de consensus politique à l'époque de la percée de l'extrême droite sur l'échiquier politique, à la fois un certain nombre de passifs, puisque sous prétexte de travailler les conditions de la rencontre entre des gens immigrés ou issus de l'immigration et la société française, on a surtout principalement culpabilisé et stigmatisé un certain nombre de populations en mettant sans cesse en doute, finalement, leur fidélité à la nation. Donc, ce que nous avons retenu et qui est très étayé par beaucoup de travaux scientifiques, c'est le caractère nationaliste ou ethno-nationaliste, donc nationalisme de référence ethnique, hein, la conception ethnique de la nation, que ce terme, effectivement, est traversé par une approche ethno-nationaliste qui représente aujourd'hui un blocage, une source de crispation et de blocage et de durcissement des problèmes. Et donc, que si nous voulons vivre ensemble, pour le dire comme ça, ou organiser politiquement les conditions d'un vivre ensemble, c'est sur ces mécanismes de blocage qu'il fallait porter l'accent. Ce qui nous amenait en nous inspirant d'un certain nombre de philosophes de philosophes principalement ou de politologues à nous dire que dans le fond il fallait recomposer les choses à partir d'une entrée qui n'était ni strictement nationale ni évidemment ethnique ou religieuse ni seulement morale dans la mesure où chacun de ces grands référents impliquait tous d'une façon ou d'une autre la primauté de certains sur d'autres. Et qu'un des enjeux, il pouvait se retrouver dans le terme d'inclusif ou d'inclusion qui avait été mobilisé par Thierry Thuot dans son précédent rapport, même si nous n'avons pas, pour ce qui nous concerne, ce qui me concerne moi et mon co-auteur, parlé d'inclusion à proprement parler, mais nous a amené à proposer d'articuler en fait deux grandes logiques d'action en disant si une politique publique doit se refonder, elle doit articuler d'une part une logique que nous avons appelée un nous inclusif et solidaire, c'est-à-dire en disant il est légitime que les pouvoirs publics aient le souci de produire de l'identification à la communauté, de l'identification collective, c'est légitime, donc évidemment il ne faut pas qu'elle repose sur des éléments très normalisateurs, mais au contraire plutôt sur des éléments qui permettent d'ouvrir un horizon commun possible. Et le deuxième élément, c'est que, y compris pour que ce nous inclusif et solidaire puisse émerger, il va falloir d'une part travailler sur les frontières de la société française, donc sur les mécanismes qui bloquent cette identification collective positive, et il va falloir travailler également à soutenir les initiatives très nombreuses, très diverses, qui existent autour de vivre ensemble, partager, confronter, etc., et qui, on pourrait dire comme ça, sont des initiatives par en bas. Voilà. Donc rompre avec une logique par en haut, normalisatrice, hein, qui est descendante, pour avoir par contre une reconnaissance par en haut de ces principes politiques, mais au service d'un soutien très intense et très actif aux initiatives sociales, aux mouvements sociaux qui viennent poser, adresser à la collectivité un certain nombre de questions de nature politique quant au fondement axiologique de notre société française, notamment en matière d'égalité ou de liberté, liberté d'opinion, liberté religieuse, etc. Voilà, je m'arrêterai là, si vous voulez, un petit peu sur ces éléments. C'est ça que je voulais ramener à partir de ces enjeux de perspective en matière d'égalité ou d'antidiscrimination, perspective sociopolitique. C'est de dire qu'il me semble que la recherche a, pour le coup, la recherche en sciences sociales a une responsabilité très importante qui suppose pour moi deux choses et qui vont de pair. La première, c'est de travailler fondamentalement ou d'accorder de l'importance au référentiel politique ou au paradigme de l'action publique, c'est-à-dire avoir le souci de travailler des objets en lien avec ce qu'ils font, d'une certaine façon, dans la redéfinition globale des politiques publiques. En matière d'intégration, inclusion, etc., on est typiquement sur des questions de cette nature-là, c'est-à-dire des questions qui touchent à l'ordre de la cité. De ce point de vue-là, il nous semble que la question des discriminations est une question absolument centrale dans l'époque contemporaine, parce qu'elle vient renverser le paradigme précédent en proposant d'aller regarder comment les inégalités se produisent, non pas seulement se constatent, ce qui est le travail sur les inégalités, hein, souvent, ou le discours des sciences sociales sur les inégalités, qui est un discours très constatif, hein, pour le dire comme ça, mais qui va beaucoup plus accorder de l'importance au processus par lesquels cela se produit. Et du coup, accorder une importance tout à fait cruciale à la place des institutions dans ces processus-là, si on se réfère à ce que disait Michel Foucault, c'est que c'est le pouvoir qui produit les populations. Ce sont les institutions qui produisent leur public. Et de ce point de vue-là, ce que l'on impute au public à ses défauts, à son manque de capacité, ou etc., peut être regardé du point de vue de ce que l'institution exige des publics, ce qu'elle fait des publics. Et d'abord, à commencer, comment elle les définit. Donc comment elle définit les normes, finalement, de ce que c'est être un élève à l'école, de ce que c'est être employable dans le champ du travail, etc. Donc une proposition tout à fait radicale à mon sens, du point de vue, en tout cas pas paradigmatique, c'est-à-dire de renversement effectivement de ce paradigme qui était compris dans l'insertion ou l'intégration, pour aller questionner les questions de discrimination. Le deuxième grand élément que je voulais souligner, qui est derrière, et là pour plaider pour une sociologie publique, c'est de se dire que ces travaux qui touchent à ces questions politiques, de paradigme politique, ont toute raison de se mener dans l'espace en plein air, ce que disait d'ailleurs Max Weber lui-même, hein, en disant dès lors que ça touche à des questions de la vie politique ou de la vie de la cité, il est légitime d'aller faire de la sociologie dans les églises, je ne sais plus, il le formulait dans ces termes-là, dans les églises, dans la rue, etc. Voilà. Donc c'est aussi une invitation à ce que les sciences sociales, pour le coup, accepte à un moment donné ce déplacement-là et réfléchisse aux conditions auxquelles, conditions de scientificité, auxquelles finalement investir une démarche de plein air qui a des effets sociaux. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui plaident évidemment dans ce sens-là, le terme de plein air étant emprunté à Michel Calon et ses co-auteurs, par exemple. Enfin voilà, il y a un certain nombre, évidemment, d'éléments convergents, mais plaider pour une sociologie publique donc qui assume cette part transformative, comme disait Nancy Fraser, une transformative finalement de la société. Voilà ce que je voulais verser à la discussion.